Ça y est, j'ai compris, tu peux arrêter ton cinéma. Tu m'aimais, mais c'était avant. Tu ne cherches plus à me plaire vu le changement de tes pyjamas. Tu te faisais belle, mais c'est il y a longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé, du moins, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te sens blasé, je te sens sur la phase terminale. Impression d'être perdu dans un labyrinthe chez Ikea. En face, je n'ai plus celle d'avant. S'il te plaît, dis-moi un mot, où ai-je fait la faute? Et si tu ne veux plus de moi, je serai parti avant l'aube. Je ressens que tu ne m'aimes plus, ouais. Tu dois l'accepter même si c'est dur, ouais. Des sentiments t'en as plus, ouais. Y'a plus de doute si tu n'es plus sûr, ouais. Je ressens que tu m'aimes plus, ouais. Tu dois l'accepter même si c'est dur. Les sentiments t'en as plus, ouais. Y'a plus de doute si tu n'es plus. Je me rappelle au début, chaque heure mon téléphone sonnait. Maintenant c'est plus la même chose. Et la fleur qui me manquait, me parlait, elle me souriait. Maintenant c'est plus la même rose. À deux dans la maison, dans un climat tropical. Et puis d'un coup le froid d'une température hivernale. Non, tu ne pourras pas dire que la routine est la cause. Tu ne fais plus rien de ce que je propose. S'il te plaît, dis-moi un mot, où ai-je fait la faute, non, yeah. Et si tu ne veux plus de moi, je serai parti avant l'aube. Je ressens que tu ne m'aimes plus, ouais. Je vais te voir accepter même si c'est dur, ouais. Les sentiments t'en as plus, ouais. Y'a plus de doute si tu n'es plus sûr, ouais. Je ressens que tu m'aimes plus, ouais. Je vais te voir accepter même si c'est dur, ouais. Sentiment t'en as plus, ouais. Y'a plus de doute si tu n'es plus sûr, ouais. Je ressens que tu n'es plus, ouais. Je dois l'accepter même si c'est dur, ouais. Je ressens que tu n'es plus, ouais. Y'a plus de doute. Je ressens que tu m'aimes.